Chapitre 9e. Quand, le lendemain matin, M. d'Étiolles rentra de sa promenade, sa mère et sa femme venaient de se mettre à table. Il fut surpris de voir Antoinette en Amazone. « Tiens, vous alliez sortir. »« Non, je rentre. »« Comment se fait-il que je ne vous ai pas rencontré ?»« J'ai fait le tour par les fonds. Pierre ne vous l'a pas dit ?»« Si, mais je suis monté tard. J'étais jusqu'à la rivière et je suis rentré. » « Moi, j'ai rencontré Bessège et les Lignées et Noirval. Nous avons été boire quelque chose à l'auberge des Fonds, hein ?»« En revenant, nous avons trouvé Jacques qui errait mélancoliquement dans la forêt. Figurez-vous, maman, que j'ai eu toutes les peines du monde à obtenir qu'il vienne dîner ce soir. Il est plus sauvage que jamais, cet animal-là. »« Enfin, il dîne ?»« Oui, mais ça n'a pas été facile. »« Non, je suis un ours. » Laisse-moi dans mon coin, je ne suis plus dans le train, etc., etc. Il est idiot. À la fin, il a fini par céder. Tant mieux, dit Antoinette, et elle pensa. Au moins, j'aurai quelqu'un qui parlait. Après le déjeuner, M. d'Étiolles resta à fumer et à lire les journaux entre sa femme qui faisait de la musique et sa mère qui faisait de la tapisserie. Vers 3h30, il regarda sa montre et se leva. Vous allez voir les poulains ? Demanda Antoinette. Oui. « Je ne vous offre pas d'y aller avec vous. Vous ne voulez jamais de moi. »« Mais, ma pauvre Toinon, par cette chaleur, ça n'est pas agréable du tout. Il y a dans l'herbage un tel soleil. D'ailleurs, je ne fais qu'aller y revenir. » Dès que son mari fut sorti, la comtesse ferma le piano et se dirigea vers la porte. La douairière, qui suivait tous ses mouvements, demanda « Est-ce que vous sortez aussi ?» Antoinette hésita un instant avant de répondre « Je vais ôter cette Amazone qui est horriblement chaude. » Et en riant, elle ajouta « Et préparez une belle toilette pour recevoir dignement les lassolets. » D'un œil un peu inquiet, la vieille femme la regarda disparaître, et écoutant le bruit des petits talons qui frappaient les dalles du vestibule, elle murmura, reprenant sa tapisserie « Elle ne monte pas, elle sort. » En effet, Madame d'Étiolles, descendant le perron et traversant la cour, avait pris une des allées qui conduisent au bois de hêtre. Bientôt, elle arriva à la hauteur de l'herbage des poulains, et elle aperçut son mari debout dans la prairie près de la clôture de l'avenue. Et presque tout de suite, Madame de Breuil parut, balançant sur son épaule une grande ombrelle japonaise qui auréolait d'or et de fleurs bizarres, sa tête intelligente et fine. Elle s'appuya contre la barrière et se mit à causer avec Guy. Et la comtesse, suivant la lisière du petit bois et se faufilant silencieuse à travers les branches, s'approcha très près d'eux et ne s'arrêta que lorsqu'elle entendit nettement la voix claire de Guy qui demandait « Pourquoi ne voulez-vous pas venir à l'Hiverdin demain ?»« Parce que je suis triste et que je ne veux pas ennuyer les autres de ma tristesse. »« Allons donc, vous n'ennuierez personne et il faut la secouer au contraire, cette tristesse. »« Je le voudrais, mais je ne le veux pas. On dit toujours ça. On le dit parce que c'est vrai. Voyez-vous, Guy, je ne vis plus que pendant les quelques instants où je vous vois ici. »« Oh !» s'écria le comte en souriant. « Vous voulez donc me rendre fat ?»« Ne plaisantez pas, vous savez que je vous aime. »« En vérité, vous me comblez. » Les grands yeux si doux de Germaine se remplirent de larmes. « C'est mal, c'est très mal ce que vous faites là. »« Vous êtes libre de refuser un amour qui vous déplaît, mais vous ne devriez pas railler cet amour qui s'est offert bravement à vous. »« Trop tard, je le reconnais. » »« Mais ça n'est pas ça, ça ne peut pas être sérieux. » dit M. d'Étiolles, voulant continuer à plaisanter. Elle l'interrompit. « Vous savez bien que si. »« Alors, permettez-moi de vous dire que ce sentiment a mis longtemps à naître. »« Eh, il y a longtemps que je vous aime, et que vous m'avez fait croire que vous m'aimiez aussi. »« Ah, ne dites pas non, vous le savez. »« Et votre ami de Bièvre, qui a vu mes espérances et mes désespoirs, le sait bien aussi. »« je vous aimais tendrement, fidèlement, mais sans savoir combien je vous aimais. »« Ah, non. » « Ce n'est qu'en voyant près de vous une autre femme que j'ai compris à quel point je vous appartiens et que j'ai osé vous le dire. »« Je suis, ma chère Germaine, très indigne du sentiment que j'inspirais, si tant est que je l'ai vraiment inspiré. » La jeune femme le regardait, et son visage exprimait une si profonde souffrance qu'Antoinette en fut touchée. Elle regrettait qu'il se montrât si sec, si peu affectueux pour cette créature bonne et tendre. Ne pouvait-il repousser plus doucement le cœur qui s'était donné à lui, passionné et confiant? Madame de Breuil avait retiré son bras posé sur la barrière. « Adieu, » dit-elle. « Comment ? » s'écria le comte. « Vous partez ? » Il me semble que nous n'avons plus rien à nous dire, aujourd'hui, car demain je reviendrai fatalement à cette place, et vous y reviendrez aussi, poussé par je ne sais quel désir de me voir souffrir et pleurer. Germaine ! Allons, adieu. Il la rappela. Dites-moi, nous avons les Lassolais ce soir, venez donc après le dîner. Voulez-vous demander ça de ma part à Madame de Blainville ? Mais alors il faudra dire que nous nous sommes vus. Eh bien, pourquoi ne pas le dire ? Hein, si ça vous est égal ? Absolument. Je crains que Madame d'Étiolles, ma femme, qu'est-ce que vous voulez que ça lui fasse ? C'est vrai, murmura Germaine, se remettant en marche. Elle est sûre de vous, elle. Le comte rentra lentement, cherchant comment il expliquerait sa rencontre avec Madame de Breuil, et où il dirait que cette rencontre avait eu lieu. Il tenait à ses causeries de chaque jour auxquelles il était accoutumé. Il éprouvait, près de cette femme sincère et toute vibrante d'amour, une sensation particulièrement agréable. Agréable à ce point qu'il saisissait toutes les occasions de la retrouver. Il ressentait, au contact de cette passion, une sorte de bien-être, de chaleur très douce, très parfumée, très pénétrante, qui le grisait et l'amenait ensuite amoureux et soumis aux pieds d'Antoinette, et dans son naïf et inconscient égoïsme de beau garçon heureux et aimé, il ne lui venait pas à l'esprit que cette combinaison était également offensante pour les deux femmes. En arrivant au bas de la terrasse, il aperçut la douairière toujours assise près de la fenêtre. « Allons, pensa-t-il, il faut dire à maman que j'ai invité les autres, ça va être dur. » Et il entra, annonçant « Maman, je... » La vieille comtesse l'interrompit. « Où est ta femme ?»« Mais je ne sais pas. Si elle n'est pas ici, elle est dans sa chambre, probablement. »« À moins qu'elle ne soit ailleurs. »« Où ça, ailleurs ?»« Mais, par exemple, à l'herbage de tes poulains. »« Dont tu l'éloignes avec tant de soin. »« Ah, vaste que tu fais est misérable, en vérité. »« Ce que je fais. »« Oui. »« Crois-tu que je ne sais pas ce que tu fais ?»« Crois-tu que les paysans, les domestiques, les voisins n'aient pas remarqué tes promenades avec Germaine ?»« Mais, maman... » Et sans parler d'Antoinette, et de l'horrible chagrin qu'elle aurait si elle apprenait avec quelle désinvolture tu l'aimes. Est-ce honnête de continuer à compromettre Germaine maintenant que tu ne peux plus réparer le tort que tu lui fais ? Et comme Guy faisait un mouvement, la douairière continua. Oh, tu sais bien que Germaine t'adore. Ce n'est pas ma faute. Si, car tu l'as aimée, ou tu lui as laissé croire que tu l'aimais. Enfin, volontairement ou non, tu l'as compromise. Tu n'en avais pas le droit. Germaine est une amie d'enfance, et de celle-là au moins, tu devais respecter la vie. Tu as assez pour tes flirts de toutes tes poupées ordinaires. Maman, dit le comte très ému, vous êtes vraiment dure pour moi. Je ne le suis pas autant que je le devrais. Je trouve tes allures grotesques et déplacées à ton âge, et à présent, surtout que tu es mariée. Est-ce qu'Antoinette s'est plainte de quelque chose ? Elle, jamais de la vie. Plutôt ciel qu'elle fût jalouse, mais elle a en toi une confiance absurde que je déplore, et dont je crains qu'elle n'ait bientôt à se repentir. Monsieur d'Étiolles regarda sa mère, et avec une gravité qui ne lui était pas habituelle. Je vous jure, maman, que j'aime Antoinette de toute mon âme, et que jamais, jamais je ne la tromperai. Je ne le pourrai pas. Bah, on dit ça. Et puis le premier joli minois qui passe. Vous me jugez très mauvais. Non? Je te juge tout bonnement très léger. Tu es d'une inconscience absolue qui me chagrine et m'inquiète terriblement pour l'avenir. C'est ton bonheur tout entier que tu risques. Et que tu risques pour quoi et pour qui ? Mais maman, je ne risque rien pour personne. Ah, tu crois ça ? Penses-tu donc que ta femme, le jour où elle saura à quoi s'en tenir sur ta fidélité, se contentera paisiblement de la modeste place que tu veux bien lui réserver dans ta vie ? Que non, ce jour-là, vois-tu, elle tombera de si haut que je crains fort que ce ne soit toi qui aies à souffrir de sa chute. Maman, vous voyez tout en noir. Oui, et je radote, n'est-ce pas ? Enfin, mon enfant, je désire de tout mon cœur me tromper. Je ne dis pas que vous radotez, maman, je dis seulement que vous donnez à quelques promenades fort innocentes une importance qui les transforme presque en rendez-vous. Tu peux dire tout à fait. Et moi ? Je me cachais si peu de ces promenades que tout à l'heure, en rencontrant Germaine, car je l'ai rencontrée, inutile d'insister, va, je le sais bien. Je lui ai demandé de dire au Blainville de venir ce soir. Ça vous contrarie ? Pas le moins du monde. Je te sais au contraire très bon gré de les avoir invités un jour, il y a déjà quelqu'un. Demain, serons-nous seuls ? Demain ? Mais oui. Ah non ! C'est le déjeuner à Liverdun, et nous dînons à la Soleil. c'est-à-dire je dîne puisqu'Antoinette ne veut pas venir. Écoute, Guy. Le jour où nous dînerons tous les trois seuls, ou même avec Jacques, qui est de la maison, tu me le diras. Je mettrai ma plus belle robe et je prierai Toinon de commander des petits plats exquis. Je vois bien que ça vous est désagréable d'avoir souvent du monde. Autrefois pourtant, vous étiez la première à inviter tous nos amis. Autrefois, je savais qu'une vieille femme comme moi ne pouvait pas remplir l'existence d'un garçon de ton âge. Mais j'espérais qu'aujourd'hui, la femme jolie, bonne et amusante que tu as choisie suffirait à occuper au moins une partie de ton temps. Je me suis trompé, n'en parlons plus. Qu'est-ce que tu regardes si attentivement par la fenêtre ? Il répondit un peu préoccupé. Je regarde Antoinette qui rentre. C'est singulier. Elle est encore en Amazon à cette heure-ci. Il y a donc longtemps qu'elle est sortie ? Sans attendre la réponse de la douairière, il courut au devant de sa femme qui arrivait portant une énorme botte d'œillets et demanda d'un ton indifférent « Vous êtes allé vous promener, toi, non ?» Elle dit, mentant pour la première fois « Non, je suis allé cueillir des œillets pour ma robe. » Quand elle descendit, 10 minutes avant le dîner, Jacques de Bièvre était là avec la douairière et M. d'Étiolle qui s'écria en voyant entrer sa femme « Vous avez un amour de robe !» Il tourna autour de la comtesse. Élégante et gracieuse, dans son fourreau de mousseline de soie blanche, ourlée d'une grosse ruche d'œillets pâles, elle souriait, ravie d'être admirée par lui. « N'est-ce pas, Jacques ? Elle a un amour de robe. » « Oui, » dit le marquis, tournant aussi autour d'Antoinette, « mais pas un amour de mine. Voyons, chère petite madame, vous êtes souffrante, avouez-le. Vous changez à vue d'œil. Aussi, vous vous surmenez trop. Moi, je me surmène. » balbutia Antoinette, déconcertée de voir qu'on remarquait son changement. « Eh oui. Par exemple, à cheval, vous faites des promenades qui mettraient un jockey sur les dents. Mais je ne vois pas quand j'ai... Quand ? Et pas plus tard que ce matin, je vous ai vu sortir, et je vous ai suivi de loin. Ah bien, nous en avons traversé du pays, et un joli petit train. » La comtesse rougit jusqu'aux cheveux et regarda son mari avec inquiétude. Pour expliquer pourquoi elle ne l'avait pas rejoint, elle lui avait dit qu'elle était sortie tard et rentrée tout de suite. Qu'est-ce qu'il allait donc croire ? Maggie n'avait même pas rapproché l'observation de Jacques de la réponse d'Antoinette. Très occupé d'une voiture qui venait de s'arrêter devant le perron, il s'écria « Les La Soleil ! Et Madame de La Soleil a une robe ! Je ne vous dis que ça ! Décidément, c'est le jour aux jolies robes aujourd'hui !» Et il sortit, courant à la rencontre de ses invités tandis que la comtesse demandait à Monsieur de Bièvre « Pourquoi, si vous m'avez vraiment suivi ce matin, ne vous êtes-vous pas promené avec moi ? Parce que je ne veux pas vous cramponner tous les jours. » Jacques ne disait pas le vrai motif de sa discrétion. Uniquement occupé depuis la veille de Madame d'Étiolle, il était venu dès le matin tourner dans les avenues, attendant qu'elle sortît avec son mari et comptant bien l'accompagner. Mais Guy était passé seul, et un peu après lui la comtesse qui avait pris un autre chemin, et il l'avait suivi, n'osant pas la rejoindre, se méfiant de lui-même, craignant, dans cette promenade en tête-à-tête, de se laisser aller davantage au mouvement qui l'entraînait vers elle. Antoinette répondit « Me cramponner, vous ? Allons donc. Vous savez bien que vous m'auriez fait plaisir en venant avec moi. Prenez garde. Une autre fois, j'abuserai de la permission que vous me donnez si gentiment. Abusez, j'en serais ravi. Ce n'est pas par politesse au moins que vous me dites ça ? Je crois, s'écria la douairière en riant, que Toinon est incapable de dire ou de faire quoi que ce soit par politesse. « Oh, oh !» dit tout bas Bièvre à la comtesse, d'un ton de gouailleuse admiration, en regardant la petite de La Soleil qui venait d'entrer. « Oh, oh ! Madame de Flore a deviné que vous seriez très jolie ce soir et elle a mis toute voile dehors. » Pour une fois, Guy n'a rien exagéré, sa toilette est vraiment réussie. Il ajouta, en examinant la robe rose très couverte de broderie et compliquée de forme, bien qu'un peu trop tarabiscoté pour mon goût. « Vous n'êtes pas juste, » répondit Antoinette, « c'est absolument parfait. »« Eh bien, si vous êtes satisfaite de la robe de Madame de Flirt, je vous réponds qu'elle n'est pas satisfaite de la vôtre. Pourquoi ? Parce que ça l'embête qu'elle soit jolie. Regardez de quel œil elle vous détaille tout en répondant à votre belle-mère. Sent-on assez qu'elle est vexée, hein ? Ce que ce misérable petit cerveau contient de mesquinerie et d'envie est inouï. Mais non. » Avec ça, que vous ne vous en rendez pas compte aussi bien que moi. Je me rends compte que Madame de La Soleil n'a peut-être pas une grande envergure d'esprit. Non, Plutôt pas. Mais je suis sûr que, néanmoins, elle s'inquiète fort peu de ma personne et de ma toilette. Elle a 10 ans de moins que moi. Il est beaucoup plus joli que je ne l'ai jamais été. Qu'est-ce que ça fait? Toute sotte qu'elle est, elle reconnaît très bien que vous avez plus de charme, plus d'esprit, plus de séduction qu'elle. Et savez-vous à quoi elle reconnaît ça d'une façon certaine et indiscutable? Non. À ce que partout où vous êtes, on la lâche. Mais vous rêvez, dit Antoinette qui regardait son mari papillonner autour de la petite marquise. Non, c'est Noirval, c'est Blainville, quand sa femme ne le voit pas, c'est Bessèges, que votre élégance affole. Mon élégance? Mais Madame de la Soleil est beaucoup plus élégante que moi. Non, non, non, 100 fois non. Certainement, elle a des recherches, des raffinements d'élégance que vous n'avez pas. Mais vous êtes élégante de naissance, sans le savoir, sans le faire exprès. Et dans la question toilette, vous ne gaffez jamais, vous. Et elle gaffe, elle. Je ne m'aperçois pas de ça. Elle s'en aperçoit bien. Allez. Ainsi, tout à l'heure, pendant qu'elle vous disait bonjour, ses petites narines roses remuaient drôlement, reniflant alternativement le parfum qui venait de vous et celui qui venait d'elle. Est-ce qu'elle rageait? Parce qu'elle sentait que le bouquet d'œillets que vous êtes ce soir embaume, tandis que, si soigneusement qu'elle est aspergée d'héliotropes blancs toute sa petite personne, les broderies d'argent, plus ou moins vraies, qui couvrent sa robe, exhalent quand même une vague odeur de vieux sous. Ça l'embête, ça. Tenez, voilà le dîner. On ne m'a pas dit de vous offrir le brin, mais je vous l'offre tout de même. Ça ne vous ennuie pas? Non. Et je vous dis une fois pour toutes que vous ne m'ennuyez pas. Que vous ne m'ennuierez jamais. Oh, murmura M. de Bièvre, on ne sait jamais ces choses-là.